Sur la première, vous avez rendez-vous avec Histoire Vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire Vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. De Johannesburg, pistolets, armes automatiques ne sont jamais si bien vendus. Histoire vivante, une émission de Jean Leclerc. Il y a des toilettes qui sont réservées aux blancs là-bas, il y a des toilettes qui sont réservées aux noirs. Il fait sale et dégoûtant là-dedans. C'est innommable, vous avez envie de remettre quand vous en sortez. Cette semaine, peuple séparé en Afrique du Sud. La conquête du Transvaal à la libération de Mandela. Chapitre 1. Poète, vos papiers. Pour les autorités blanches d'Afrique du Sud, le négro est décidément un voyou dont il faut se méfier, qu'il faut canaliser. Au cœur des nombreuses voix que fait voter le gouvernement mené par le père de l'apartheid, le docteur Verwoerd, premier ministre, l'obligation faite de porter un passeport intérieur sur lequel est indiquée la réserve d'origine, la situation familiale et professionnelle, les lieux de travail et de séjour autorisés. Une situation où le passeport n'est pas en règle et très vite, la situation peut dégénérer. Vous travaillez, John? Oui. Bien sûr? Oui. Je ne veux pas de nègres feignants ici. Je travaillerai. Ton passeport. Le permis de travail est arrivé à terme. Enfin, pourriez-vous l'aider, monsieur? Tu sais qu'on peut t'arrêter avec un tel passeport, tu le sais? Oui. On peut t'envoyer dans une ferme ou à Johannesburg. Va te mettre en règle au commissariat. Ce qui va exaspérer continuellement le blanc, c'est l'obstination patiente et minutieuse que le noir va pendant très longtemps manifester pour faire valoir ses droits. Et sans violence. Nul doute que l'ombre de Gandhi, qui grandit et fait ses premières armes en Afrique du Sud, n'est pas étrangère à cet état de fait. En 1960, se tient une mobilisation générale contre le port obligatoire de ce passeport intérieur. Le face-à-face a quelque chose d'incroyable. D'un côté, 15 000 manifestants pacifiques, immobiles, en sitting, ils brandissent des banderoles et demandent tous à être arrêtés. En face, à l'intérieur du commissariat de Sharpeville, 75 policiers. Les premiers coups de feu n'impressionnent guère, on pense que ce sont des balles à blanc. Et puis soudain. C'est la panique, la dispersion dans tous les sens. Les armes crachent le feu. À Sharpeville, on comptera 69 morts et 180 blessés. Des femmes et des enfants sont dans le macabre décompte. La plupart ont été tirés dans le dos. 70 cercueils qui vont définitivement sceller l'affrontement auquel vont se livrer désormais les Noirs et les Blancs en Afrique du Sud. En ce début d'année 60, la situation est déjà des plus critiques. L'ANC est interdite, la tension devient particulièrement vive, d'autant plus que dans d'autres contrées africaines, au nord notamment, les Noirs ont pris désormais les commandes des pouvoirs. Les grèves succèdent aux états d'urgence, l'une d'entre elles provoque 10 000 arrestations. Un jeune leader de l'ANC, avocat de formation, Nelson Mandela, est avec 150 autres personnes convaincus de haute trahison. Il vit depuis dans la clandestinité. Il répond aux questions d'un journaliste anglais. The Africans require, want the franchise. Les Africains exigent, veulent le droit de vote sur la base d'un homme, une voix et l'indépendance politique. Les Africains peuvent-ils s'épanouir dans le pays sans expulser les Européens? Nous avons clairement dit que l'Afrique du Sud est un pays multiracial. Il y a de la place pour toutes les races du pays. Now, if Dr. Vervoort's government doesn't give you the kind of concessions that you want, oui, mais si le gouvernement Vervoort n'accepte pas vos demandes, utiliserez-vous la violence? There are many people who feel that the reaction of the government to our stay at home. Beaucoup pensent que la réaction du gouvernement à notre grève, c'est-à-dire la mobilisation générale, la distribution d'armes aux Blancs, l'arrestation de milliers de Noirs, la démonstration de force à travers tout le pays, alors que nous avions annoncé une campagne non-violente, que cette réaction met fin à la non-violence. Close the chapter as far as our methods of political struggle are concerned. There are many people who feel that it is useless and futile. Beaucoup pensent que c'est inutile et vain pour nous de parler paix et non-violence face à un gouvernement qui répond par des attaques sauvages contre un peuple désarmé et sans défense. Je crois le temps venu de nous demander, à la lumière de notre expérience de la grève, si les méthodes que nous avons adoptées sont adéquates. À New York, les Nations Unies créent un comité contre l'apartheid. À la tribune, Myriam Makeba interpelle les représentants de tous les pays. Je vous demande à vous et à tous les chefs d'État, agiriez-vous différemment? Garderiez-vous le silence si vous étiez à notre place? Ne vous révolteriez-vous pas si vous n'aviez aucun droit dans votre propre pays pour une question de couleur de peau? Et si on vous punissait quand on parlait d'égalité? Je lance un appel à vous et à tous les pays du monde. Faites tout pour éviter le drame qui se prépare. J'en appelle à vous pour sauver la vie de nos dirigeants, pour vider les prisons de ceux qui n'ont pas à y être. Chapitre 2. L'Afrique du Sud, son rugby, ses barbecues et ses chevrolets. Avec l'apartheid, l'Afrikaner a enfin accédé à la richesse. Le régime en profite pour faire de la com. On le sait bien, rien de tel qu'une bonne campagne de publicité pour faire le lifting d'une décadence. L'immigration européenne est largement encouragée. Boudée par le Commonwealth, la République sud-africaine trouve avec la France et l'Allemagne les partenaires nécessaires pour développer son industrie et son armement, avec bien sûr la bénédiction des États-Unis qui considèrent le pays comme un solide rempart contre l'avancée du bloc soviétique. Elle est bien mignonne, la petite Makeba avec ses jérémiades, seulement on veut pas que les rouges nous dévorent l'Afrique. Alors, des deux mots, on en choisit un. Dès lors, le Premier ministre, le bon docteur Vervoort, poursuit peinard sa politique de ségrégation à outrance. Des villages entiers sont déplacés vers des campagnes nues pour que les bonnes terres soient exploitées ou habitées par des Blancs. Un système de contrat oblige ainsi les travailleurs de l'industrie à s'installer dans les zones insalubres des townships. Leurs familles, restées dans le dénuement des zones rurales, ne les voient plus qu'un mois par an. Résultat des courses, couples déchirés, enfance misérable, déculturation, promiscuité, ivrognerie. Le 6 septembre 1966, Vervoort est assassiné dans la salle du Parlement par un pauvre Blanc. La radio romande en fait écho dès le lendemain. La manchette de notre journal, Jacques Matédoré, reste aujourd'hui les conséquences de l'assassinat du Premier ministre d'Afrique du Sud, Hendrik Verwoerd. L'enquête semble confirmer que M. Verwoerd n'a pas été victime d'un complot. On voit d'ailleurs mal la police sud-africaine laisser se développer une agitation clandestine quelconque. L'assassin Dimitri Stefendas, ou Tsafendas, les orthographes varient, a donc apparemment agi seul. Il a 40 ans, ses origines portugaises, grecques et peut-être égyptiennes en font en tout cas un Blanc. Employé subalterne au Parlement du Cap, sa qualité de petit Blanc serait à l'origine de son acte. Selon ses collègues, Tsafendas avait deux obsessions. La première, relever le niveau de vie de la classe inférieure des Blancs d'Afrique du Sud. La seconde, de réaliser un verset de l'Ancien Testament relatif à la mort d'un roi de Juda. En résumé, dans cette soi-disant théocratie un peu trouble qu'est la République d'Afrique du Sud, le meurtrier de Verwoerd n'aurait trouvé donc aucun frein à son propre fanatisme. Jean Ziegler, vous êtes sociologue. Estimez-vous, vous qui connaissez particulièrement bien ce pays, ses hommes et ses problèmes, est-ce que, finalement, M. Verwoerd a fait la République sud-africaine selon sa propre idée et son propre arbitraire? Ou bien est-ce que, comme l'expliquent ses partisans, il a été obligé par la force des choses, dirait De Gaulle, à pratiquer la politique de l'apartheid, des Bantoustans, etc. vous me posez la question de savoir si subjectivement, M. Fervor croyait à ce qu'il prêchait. Est-ce qu'il croyait à la supériorité intrinsèque voulue par Dieu, voulue par son Dieu, d'une race blanche, mais minoritaire, supériorité sur une majorité de peuples noirs? Je crois, et tous les écrits de M. Fervor, toutes les discussions de M. Fervor, tous les discours semblent le prouver, M. Fervor était parfaitement sincère, comme d'ailleurs beaucoup de Sud-Africains d'origine hollandaise étaient parfaitement sincères en prêchant ce type tout particulier de racisme. Inutile de dire que je crois qu'au XXe siècle, avec tout ce que les sciences sociales nous ont appris sur l'égalité fondamentale de tous les hommes sur cette terre, inutile de vous dire que je pense, avec je crois une majorité d'hommes dans ce monde, que l'apartheid part d'une prémisse fondamentalement inexacte. N'empêche que nous devons à l'objectivité de dire que M. Fervor a prouvé par sa vie, par ses écrits, que il était parfaitement sincère dans l'erreur. Myriam Makeba, première artiste noire sud-africaine à se propulser sur la scène mondiale. Militante de l'apartheid, elle connaîtra l'exil. Cette chanson implore l'Occident à venir en aide au peuple noir. Vent d'Ouest, plein de sagesse, rassemble tes enfants. Viens nous délivrer de l'oppression et de l'exploitation. West wind, with your wisdom, gather all the young for me. Dark cloud hanging over, nest thy bosom strong. Exploitation and strife, 'cause nothing is more precious in life. West wind, with your splendor, take my people by the hand. Spread your Chapitre 3. Un subtil parfum d'intolérance décliné en civilisation. Dans les années 70, Michel Bory est parti en Afrique du Sud pour la radio romande. De retour, il a pu réaliser un grand nombre d'émissions sur ce qu'il avait vu. Il raconte notamment qu'en ces années 70, l'Afrique du Sud a peut-être le diamant et l'or, mais elle n'a pas la télé. Eh oui, dans ce pays qui entend faire de la séparation pure et dure, la télé est un outil insidieux. Imaginez un peu, des Noirs regardant les programmes réservés aux Blancs. Aujourd'hui, l'avantage c'est qu'on a inventé le décodeur. Si on ne peut pas se le payer, bah au moins on comprend peu. Mais à l'époque, nous n'en sommes pas là. La technique n'est pas encore au point. En plus, ça pourrait bien nous vider les églises, donc point de télé. Mais des gens dans la rue qui causent et qui s'expriment. Je crois que le gouvernement sud-africain essaie toujours de rester chrétien national, n'est-ce pas ? Non pas national chrétien, mais chrétien national dans ses décisions. Et dans la vie quotidienne, en principe, oui, je crois que les gens ont moins tendance à aller aux extrêmes et des choses pareilles. Je crois que, je peux me tromper, mais enfin, je ne crois pas que vous aurez eu l'occasion de souvent voir des hippies ici et des jeunes gens qui vont à volo comme ça arrive tellement souvent maintenant en Angleterre et ailleurs. Et vous pensez que c'est un bien ? Je crois, oui. L'Afrikaner garde malgré tout le respect pour ses parents, le respect pour son pays, le respect de l'autorité, et ainsi de suite, parce que c'est bien sûr, c'est comme ça que Calvin nous l'a appris, et c'est bien. Et Calvin a-t-il cherché dans la Bible, qui pour nous, dans les Saintes Écritures. Mais je ne crois pas que vous trouverez des Afrikaners se promenant avec des longs cheveux et faisant toutes sortes de fumant du chanvre, et ainsi de suite, vous savez. Ou se promenant avec des jeunes filles noires. Ah non, ça n'existe pas. Laissez-moi vous dire qu'il y en a, qui le font, je suis sûr qu'il y en a qui le font, mais alors ils doivent aller au Swaziland pour ça. C'est-à-dire au Swaziland, c'est un pays noir indépendant, ici, en Afrique australe. Et là-bas, bien sûr, il n'y a pas de loi de séparation des races. Et si la fille est consentante et si le garçon est consentant aussi, ils vont au Swaziland. Mais ça vous choque, ça ? Moi, ça me choque, oui. Je vais vous dire pourquoi. Dans ces aventures à deux, n'est-ce pas ? En règle générale, l'homme blanc a de l'argent. Voyons les choses en face, soyons logiques. L'homme blanc a de l'argent. La fille noire a beaucoup moins d'argent. Elle se laissera tenter par l'homme blanc qui lui offre de l'argent. Et c'est toujours elle qui est la victime. N'est-ce pas ? Et je crois que cette loi a été faite, ou en tout cas c'est ma conviction à moi personnelle, cette loi a été faite autant pour protéger la femme noire que l'homme blanc. Ça n'a pas été fait parce que, n'est-ce pas, pour dire, voilà, nous devons rester purs, etc., nous sommes supérieurs à eux. Là n'est pas du tout la question. Nous sommes différents d'eux. Eux seraient les victimes. Et moi, bien sûr, oui, ça me choquerait. Franchement, ça me choquerait. J'étais un jour à Paris et j'ai vu des hommes noirs à Paris, dans le métropolitain, qui tenaient des filles blanches et qui les embrassaient sur la bouche. Eh bien, moi, ça me choque épouvantablement. Et encore, vous savez, par exemple, nous avons une servante chez nous, n'est-ce pas ? Nous gardons nos distances, mais j'aime beaucoup cette fille. Il y a 4 ans ou 5 ans qu'elle travaille chez nous, cette fille nous aime beaucoup. Elle nous est parfaitement fidèle, nous l'aimons bien, nous lui payons un excellent salaire. Elle vit chez nous, elle est pratiquement comme la fille de la maison, mais il y a quand même une barrière que nous ne franchissons pas. Elle n'y tiendrait pas non plus d'ailleurs, elle se sentirait mal à l'aise si nous le faisions. Regardez, dans la vie pratique de tous les jours, n'est-ce pas ? Je vous répète, je suis absolument d'accord. Ça choque de voir, hein, par exemple, un jardin public réservé aux Blancs ou un jardin public réservé aux Bantous, ou aux Blancs et aux Bantous. C'est choquant, certainement. Enfin, voyez ce qui se passe. Moi, je connais des jardins publics, je peux vous en montrer, ici à Johannesburg, qui sont réservés aux Noirs. Mais il fait sale comme tout. Il y a des boîtes de bière répandues partout, des bouteilles cassées répandues partout. Il y a des ivrognes qui se vautrent sur les pelouses. Moi, j'ai pas envie du tout de voir ce spectacle. Alors, fatalement, moi, je me rends dans un jardin public pour Blancs où je ne vois pas ces choses-là. Oui. Cependant, les voix qui dénoncent le système de l'apartheid ne s'imposent aucun répit. À l'ONU, Oliver Tambo, l'un des rares leaders de l'ANC à avoir pu échapper à la prison, parle. We have tried to ask that that assistance should be given in such a way that we can solve the problems peacefully. Nous voulions une aide afin de résoudre pacifiquement le problème, cela n'a pas été accordé. Nous essayons malgré tout de résoudre les problèmes avec les méthodes qui sont à notre disposition. Au point où nous en sommes, la seule méthode disponible est celle que nous avons évitée depuis longtemps, c'est la violence. Voilà ce que nous devons affronter et nous avons décidé de l'affronter. Car la pire des horreurs, c'est de vivre à jamais comme un esclave, comme un sous-homme haï et méprisé. Et nous refusons cela. Chanté par le chœur de l'ANC, c'est un pot-pourri de chants à la résistance qui ont inspiré les militants tout au long de la lutte pour la liberté. Cet extrait est tiré du film Mandela. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo Chapitre 4. Soweto, Southwestern Township. John Balthazar Forster est depuis 8 ans, depuis l'assassinat de son prédécesseur Vervoord, le premier ministre de l'Afrique du Sud. January, February, March, April, May, June, July. Ancien pro-nazi pendant la guerre, il est reçu régulièrement par les chefs d'État en Europe. Giscard, Schmitt, mais il est en même temps boycotté par l'ONU, qui ne reconnaît pas un gouvernement représentant uniquement 15% de sa population, même si les 15% sont réunis ce jour-là pour la claque et soutiennent leur leader. C'est notre droit de maintenir notre identité blanche, mais en même temps, nous reconnaissons l'identité des non-blancs, celle des Indiens et celle des Noirs. Et nous, au Parti National, nous avons pris position. Nous avons dit non seulement à l'Afrique du Sud, mais au monde entier, à tous les chefs d'État, dans le palais de verre de l'ONU, que nous, les Blancs, nous avions le droit de maintenir notre identité en toutes circonstances. Les lois et les règlements en Afrique du Sud ne se feront pas à l'ONU dans le Palais de Verre, mais au Parlement, au Cap. Balthazar ne voit rien. Miro comme une chaufferette, le pouvoir nationaliste ignore ou veut ignorer que du côté des sous-hommes, il commence à y avoir surchauffe. Les plus extrêmes des Afrikaners, eux, en sont encore à la revanche de la guerre des Boers, autrement dit retard. 16 juin 1976, des groupes de jeunes se rassemblent pour protester contre l'enseignement en langue afrikaner. Après le début des tragiques événements de Soweto, un état d'urgence partiel a été décrété par le ministre sud-africain de la police. Un état d'urgence qui doit commencer aujourd'hui et prendre fin le 29 de ce mois. La situation était sous contrôle à Soweto ce matin, mais après Krugersdorp, dans les environs de Johannesburg, où hier soir, 5 Noirs ont été tués et plus d'une cinquantaine d'autres blessés, plusieurs quartiers noirs du Transvaal ont été touchés à leur tour par la contagion de la violence. D'autre part, dans le nord de la province, l'université noire proche de Pietersburg a été le théâtre d'incidents hier et au cours de la nuit. Sur la côte est, l'université Zulu a été fermée après que les bâtiments administratifs aient été brûlés ce matin. Là aussi, des étudiants se sont heurtés violemment à la police. Dans les quartiers noirs, des villes proches de Johannesburg, complètement verrouillées par les forces de l'ordre, ce matin et jusqu'à ce début d'après-midi, les premiers rapports font état d'attaques à coups de pierre, de bouteilles d'incendie, de bus détruits, de bâtiments saccagés. Au moins un Africain aurait été tué et une quinzaine blessés par balle ce matin, hors de Soweto où les émeutiers ne sont plus aussi nombreux. Des renforts de police ont été envoyés sur les lieux et le service de défense civile de Randburg, dans les environs également de Johannesburg, ont été mis en alerte, comme le sont des forces de sécurité. La situation dans tout le Rand est qualifiée par la police est extrêmement mouvante. Le bilan des troubles de Soweto s'établissait à midi aujourd'hui à 58 ou 59 morts, on ne sait pas exactement, à 788 blessés, des dégâts matériels considérables. Enfin, plus de 200 personnes ont été arrêtées par la police. 200 personnes, c'est bien le moins dans cette Afrique du Sud, où d'ordinaire, les arrestations se comptent par milliers. On ne conteste pas la langue officielle de l'éducation. D'ailleurs, on ne conteste pas, on n'a pas à contester, il faut admettre. Mais en face, on n'admet pas, c'est ça le problème. Et les émeutes vont se poursuivre pendant de longues heures. Le jour suivant, la radio est toujours là et témoigne. Au moment où descend la nuit sur Johannesburg, au troisième jour de ces troubles raciaux, deux questions émergent. Le Premier ministre, M. Forster, se rendra-t-il à son rendez-vous bavarois avec le secrétaire d'État américain, M. Kissinger? Et la soif de destruction et d'autodestruction dont semblent être atteints les Noirs, jusqu'où peut-elle aller? Autodestruction, en effet, lorsque des groupes de presque enfants attaquent à coups de pierre des engins, bien sûr, meurtriers, lorsque l'on sait les lancer, des forces de police qui ne paraissent plus faire de quartier, qui utilisent leurs armes automatiques à la première provocation, ou même avant, selon certains témoins. Soif de destruction aussi dirigée avant tout contre tout ce qui de loin ou de près a ou peut avoir un rapport avec les autorités haïes, représentées dans les quartiers noirs par l'administration et l'éducation bantou. Mais destruction aussi plus aveugle, la violence pour la violence, on en est là en Afrique du Sud. Et toutes les excuses invoquées par le gouvernement, la présence d'instigateurs n'y changera rien. La moisson d'un quart de siècle d'apartheid, voilà ce que représentent, qu'on le veuille ou non, ces événements tragiques. Tragiques, puisque ce soir, après les émeutes d'aujourd'hui qui ont touché la presque totalité des quartiers noirs, des environs de Johannesburg et non plus seulement Soweto, le nombre de morts devrait approcher les 80. Celui des blessés a déjà, au moment où je vous parle, peut-être dépassé les 900. Quant aux dégâts matériels, ils sont, et c'est là un euphémisme, très, très important. Il faudra des années pour reconstruire ce qui a été détruit ces derniers jours et ce qui pourrait l'être encore au cours de ces prochaines heures, des prochains jours peut-être. Personne ici à Johannesburg ne le sait. Mais en même temps, conclut Alain Franck dans son papier, les forces de sécurité ont reçu l'ordre d'utiliser cette fois tous les moyens à leur disposition pour mettre un terme rapide aux émeutes, quel qu'en soit le coût. L'ordre venant de Cape Town, où le gouvernement et le Parlement siègent au beau milieu de la nuit. Le coût évoqué n'ayant, vous vous en doutez bien, rien de financier, mais de résolument humain. Déjà en 1976, on envisage de régler le problème noir par l'élimination collective. Et vous allez voir jusqu'à aujourd'hui combien cette idée hégémonique va considérablement s'accentuer. Pour le moment, revenons-en à la deuxième nuit d'émeute en Afrique du Sud en 1976. Ce que l'on craignait en Afrique du Sud, ce que l'on craignait par-dessus tout, c'est-à-dire une contagion de la violence, s'est produit. Il y a quelques instants, on apprenait qu'à Krugersdorp, à l'ouest de Johannesburg, des troubles avaient également éclaté, faisant déjà 3 morts et 20 blessés. Le bilan des dernières 36 heures d'émeute à Soweto pendant ce temps, au fur et à mesure que le temps passait aujourd'hui, devenait plus lourd. On parle déjà de près de 40 morts, de plus de 300 blessés, les chiffres qui risquent de n'être qu'un pâle reflet de la réalité. Aujourd'hui encore, la police a fait usage d'armes automatiques et de véhicules blindés pour disperser les groupes de manifestants. Parmi les Noirs, un nom revient continuellement dans les conversations, Sharpeville, où en 1960, la police avait fait usage de ses armes une fois de plus et avait tué 69 manifestants noirs. Aujourd'hui encore, il semble bien que ce soit les forces de l'ordre qui aient mis le feu aux poudres, par maladresse peut-être. Et un journal de Johannesburg se demandait ce matin si la police sud-africaine n'a pas d'autre moyen que de tirer sur des jeunes gens, sur des enfants, même s'ils sont comme à Soweto depuis plus de 36 heures maintenant, décidés à aller jusqu'au bout, à être prêts à tout. En attendant, des nuages de fumée planent sur Soweto, cette fumée des incendies allumés par les émeutiers. Et sporadiquement, des rappels d'armes automatiques se font encore entendre. Aujourd'hui, ces troubles ont en quelque sorte débordé sur Johannesburg. Les étudiants de l'université blanche de la ville avaient en effet organisé une manifestation pour protester contre la brutalité des forces de l'ordre. Une manifestation pacifique qui a bien mal fini. Des groupes d'extrême droite, semble-t-il, s'en sont pris aux manifestants dont plusieurs ont été blessés à coups de gourdins et de chaînes à vélo avant qu'ils ne soient forcés à se disperser par la police. Walking down the streets of Soweto, sometimes I see some sadness. And you know as I move along, the kids they play the stereo. Le massacre des enfants aux mains nues de Soweto va enflammer les townships. Les jours d'émeutes qui vont suivre placent le régime de l'apartheid dans un compte à rebours irréversible. «